C'est pas la peine de regarder le ciel et se dire qu'aujourd'hui fait pas beau. Se dire que le décor est pourri, moisi, même si ce n'est pas faux. C'est pas la peine de rester là et de se lamenter, pleurer en cachette. La vie c'est ça, cherche pas à compliquer comme un casse-tête. Balèze celui qui a tout compris, celui qui prétend pouvoir effacer les fautes commises, celles que l'on ne veut plus voir. Si Dieu le veut mon vieux, j'irai plus loin et plus vite. Je connaîtrai la réussite et je serai plus fort quand ça se complique. J'évite d'aller trop vite, je suis fier de mon entourage. Mes amis et mon équipage auront force et courage. On récolte ce que l'on sème, ici on a tout ce qu'on mérite. Notre champ de vision s'arrête là où commence le périphérique. Les tours de ciment, l'horizon caché, la vie gâchée par les flics. Le fric qu'on veut à tout prix et les trafics qu'on vit. Dans un monde où le mal prend de l'envergure, on baisse les bras, c'est normal. On trouve pas d'ouverture, si Dieu le veut, ça ira mieux. Et on sortira la tête haute de cet endroit. On partira loin s'il y a moyen, car ici je n'y vois rien. Ce quotidien me lasse, hélas, y'a pas moyen. Faut tenir bon la barre, c'est dur même avec ça, change pas de bord. C'est le bordel et je m'en fous, et c'est peut-être ça qui nous rend plus fort. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si l'appétit de certains cause les crampes d'estomac des autres. Faut tenir bon la barre, c'est dur même avec ça, change pas de bord. C'est le bordel et je m'en fous, et c'est peut-être ça qui nous rend plus fort. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si l'appétit de certains cause les crampes d'estomac des autres. Moi je vis ma vie, je suis discret, donc je ne laisse pas mes empreintes à mettre coma pour vous servir et faire péter les enceintes. C'est la crainte du lendemain qui me pousse à écrire comme nombre de mes frères. La différence, c'est ce que je dis, je fais pas le contraire. Pas une vie contraire au goût amer, une vraie galère et ça depuis le début. Alors, choisir d'écrire ou bien de rester dans la rue. Les obus que je lance de Paris capitale en France sont destinés à ceux qui pensent que la déchéance est une fin en soi. La soif de vaincre, la force de lutter jour après jour. Faut tenir bon la barre avec une tête grillée, pas glamour. Peu d'amour, c'est la merde et c'est la même depuis longtemps. Faut faire avec, fermer sa gueule même si tu n'es pas content. On tente tout pour le tout car ici le temps c'est le temps. On veut voir le bout du bout car on part tous les pieds devant. C'est des fois que je me dis qu'ici y'a encore une chance. Alors on tente, on essaye, même si elle est pas immense. Sinon c'est la routine et l'accoutumance. Au futur incertain, une génération qui n'en peut plus. Faut tenir bon la barre, c'est dur même avec ça, change pas de bord. C'est le bordel et je m'en fous et c'est peut-être ça qui nous rend plus fort. Sinon c'est la routine et l'accoutumance. Au futur incertain, une génération qui n'en peut plus. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si la pétite certains cause les crampes d'estomac des autres. Faut tenir bon la barre, c'est dur même avec ça, change pas de bord. C'est le bordel et je m'en fous et c'est peut-être ça qui nous rend plus fort. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si la pétite certains cause les crampes d'estomac des autres. On vit notre vie sans dévier, sans se défiler, on se défend. Slalom entre le son à prise, faux pise et mauvais plan. Mauvais temps et jours ensoleillés ici se suivent. On tient le choc, on tient le coup mais y'a rien qui nous délivre. Tenir bon la barre, c'est peut-être ça qui nous rend plus fort. Donne-moi les moyens et ma rue, je la redécore. À la mémoire des morts et des disparus de chez nous, on continue le combat ici-bas. On tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si l'appétit de certains cause les crampes d'estomac des autres. Sinon, c'est la routine et l'accoutumance. Au futur incertain, une génération qui n'en peut plus. Faut lutter, lever la tête, c'est pas la fête et c'est pas de ma faute. Si l'appétit de certains cause les crampes d'estomac des autres.